Eh hey, mais ils sont où? Bah je sais pas. Toi Mathis, t'es encore là non? Bah ouais, je suis encore là, Kibaï. Et toi, t'es encore là? Bah ouais, moi je suis encore là. Alors on est encore là, plein de boucles d'awa. C'est le front d'Avas qui bigote toute la Savoie. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Qu'il passe dans ces toutes les six là. On est encore là, plein de boucles faya. C'est le front d'Avas qui bigote toute le 7-3. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. C'est le son qui rassemble, que tous les mastis du 7-3 s'assemblent. Si tu viens de la Savoie, si c'est ici chez toi, je veux t'entendre crier Savoie Faya. Je ne veux pas seulement voir ceux des alentours, mais je veux voir tous les mastis des stations que la Savoie entoure. Savoie Faya, c'est tout le 7-3 qui dit Savoie Faya. On est encore là, plein de boucles d'Awa. C'est le front d'Avas qui bigote toute la Savoie. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Qu'il passe dans ces toutes les 6 là. On est encore là, plein de boucles Faya. C'est le front d'Avas qui bigote toute le 7-3. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Hey, pour le Batman, no redemption. Hey, laisse-moi accomplir ma mission. Hey, c'est que la bonne vibes opère. Hey, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Hey, pour le bambou clap, on est efficace. Hey, on représente tous nos frères. On est encore là, plein de boucles d'Awa. C'est le front d'Avas qui big up toute la Savoie. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Qu'il passe dans ces toutes les 6 là. On est encore là, plein de boucles faya. C'est le front d'Avas qui big up toute le 7-3. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Yeah. Ah, bless pour tous les DJ qui viennent représenter tous les soirs avec leur micro. Pour tous ceux qui savent que la musique est vitale et qu'elle nous mène au plus haut niveau. À tous ceux qui parlent sans connaître, je leur laisse nous casser du sucre sur le dos. On leur répondra en chantant des lyriques affûtées comme une lame de couteau. On est encore là, plein de boucles d'Awa. C'est le front d'Avas qui big up toute la Savoie. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Qu'il passe dans ces toutes les 6 là. On est encore là, plein de boucles faya. C'est le front d'Avas qui big up toute le 7-3. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Dans la dance pour remonter le niveau. On remplit les salles pour détraquer ton cerveau. On arrive en masse, vas-y passe-moi le micro. Pas besoin de catch pour récolter le gros lot. Une dance all so fire fire. Ça danse de partout, de province à Ripa. Pas de bambou clap même d'ici à là-bas. Pas de vampaya et surtout pas de blabla. On est encore là, plein de boucles d'Awa. C'est le front d'Avas qui big up toute la Savoie. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Qu'il passe danser toutes les 6 là. On est encore là, plein de boucles faya. C'est le front d'Avas qui big up toute le 7-3. J'en place une pour les tiens, pour les miens et pour mon sélecta. Yeah.